Le Périscope. Scène de musique innovante. Erotic Market, c'est un groupe né en 2011, puis c'est devenu un projet solo en 2016. Erotic Market, en fait, c'est Marine Pellegrini, et sur scène, ça peut prendre plusieurs formes. La nouvelle, d'ailleurs, c'est Marine, accompagnée par un quatuor à cordes, le tout arrangé par le compositeur et saxophoniste Romain Dugelet. Binôme de scène et de vie, pour eux, la notion de création est très différente. Elle est intime, presque chamanique pour elle, plutôt rationnelle et méthodique pour lui. Ils nous l'ont raconté lors de leur résidence au Périscope pour ce nouveau projet, juste avant d'aller en studio l'enregistrer. Alors moi, c'est un petit peu... Je fais partie des gens un peu ésotériques, on va dire. Je vais t'expliquer en te donnant l'exemple de Romain, et qui est très mathématique dans sa composition. Il prend une feuille de papier et il écrit. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, à l'ancienne, et il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Il faut avoir une super continuité entre son cerveau, son oreille et la feuille. Enfin, tu vois, c'est, moi, non, c'est pas du tout ça. Moi, je fais brûler des encens, je fais une danse chamanique, et si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, je passe à autre chose. Moi, je suis vachement dans ce qu'on appelle l'inspiration, quoi, vraiment l'appel des muses, quoi. Donc c'est très instinctif, quoi. Moi, je passe par beaucoup de la partition. Par exemple, je travaille très peu avec des prods ordinateurs, quoi. Donc c'est beaucoup piano, papier, crayon, et après logiciel d'édition de partition. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec les logiciels, des fois on réécoute ce qu'on a fait, mais c'est des logiciels avec des sons vraiment pourris. C'est du midi, quoi. Du coup, c'est aussi pour ça qu'elle dit ça, quoi. J'ai pas du tout le rapport à la prod, le son, les sons électroniques, et aller chercher des chouettes sons. C'est du midi, moche. Et après, l'idée, c'est d'être bien surpris quand c'est joué par des vrais instruments. Et je pense le côté cartésien, bon, déjà dans mes autres groupes, dans Pixvae, dans Polymorphie, j'écris vraiment sur des rapports rythmiques, de polyrythmie, etc. Et du coup, pour concevoir ces trucs-là, ça passe un moment par une réflexion sur les temps, les vitesses, assez mathématiques finalement. Donc là, un peu moins dans ce projet-là, parce que ça reste très... Là, c'est justement plus chantant, on va être moins sur des choses polyrythmiques, en fait. Même si des fois, j'ai essayé quand même un peu d'en glisser deux, trois, et voilà. Mais oui, par rapport à Marine, qui est plus dans vraiment du ressenti, moi, je suis plus dans la tête. Je peux pas le faire n'importe où, et je peux pas le faire dans n'importe quelle condition. Il faut que je sois dans mon cocon, et il faut que je sois seule. Ou au moins que j'ai l'impression qu'on ne m'entende pas. Parce que c'est très pudique comme moment. J'aime bien noter des trucs, mais c'est plus des idées, des sensations, des choses comme ça. C'est pas forcément des notes. Les notes, après, ça vient quand je suis face à un clavier ou un piano. Des idées. Je vais noter, tiens, tel morceau, ça serait chouette de le faire comme ci, comme ça. Après, souvent, entre, tiens, on a déjà un morceau comme ça. Ça aussi, c'est le boulot d'arrangeur, c'est de construire un répertoire. C'est-à-dire, si on a 8 balades, au bout d'un moment, peut-être c'est pas très très pertinent, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un truc un peu plus rythmé ou un peu plus lumineux, etc. Du coup, ça, c'est des trucs auxquels je pense régulièrement, puis j'essaie de marquer sur un petit carnet quand ça me vient, mais vraiment l'écriture, ouais, faut quand même que je sois un peu devant un clavier, un petit peu au calme. Non, mais ça va la suite, du coup. Oui. Ouais. Oui. Je crois que ça va. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un carnet avec des paroles, avec des poèmes. Ce n'est pas des paroles à ce moment-là, c'est des poèmes, c'est juste des poèmes. Et quand je décide de composer, je vais commencer par Tripatouiller, oui, un synthétiseur ou une boîte à rythme, je l'enregistre. Et après, quand je trouve ça inspirant, alors ça, pareil, c'est un peu ésotérique. Quand est-ce que c'est inspirant ? Ben ça, je sais pas. Mais il y a vraiment un moment où je sens, quoi, physiquement, je sens que c'est inspirant et sinon, je jette. Donc, quand je sens que c'est inspirant, j'ouvre un carnet, n'importe quelle page d'un poème qui n'a pas été encore utilisé, et j'ouvre la bouche et je lis et je chante le texte. Et en général, bah, pour moi, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu pourras me dire, mais tu ne veux pas chercher une autre mélodie ? Moi, franchement, je vais te dire, si c'est ça qui est sorti à ce moment-là, c'est que c'est celle-là. Un point, c'est tout. Moi, je suis très partisane. C'est peut-être un peu feignasse. Hein. C'est un peu complaisant, même. Mais moi, j'ai vraiment ce truc-là d'évidence. J'ai besoin d'évidence. Et quand il n'y a pas, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi. Mais bon, je peux aussi ne pas chanter. Hein. Si. Et reprendre à G, quoi. Moi, j'aime bien la cohabitation des deux. Mm-hmm. Quand même. Qui c'est qui a plus ou moins le lead, là ? C'est un peu... C'est pour moi qui ai le lead. Ça dépend des morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où je vais vraiment écrire une longue intro, donc ça part de très loin pour arriver au morceau. Des fois, à des moments, ça va être une longue, une espèce de longue conclusion comme ça. Mais je suis quand même, je crois, resté assez proche de. J'avais quand même envie que ce soit des chansons. Et donc, du coup, un format, donc ça reste du 4-5 minutes. Des fois, il y a un truc de 7 minutes, donc il y a un peu de développement, mais. Mais j'avais envie de coller vraiment à l'univers chanson, quoi. Voilà. Donc, certaines parties que je développe, souvent, c'est quand j'écris un répertoire, c'est les derniers morceaux, des derniers jours. Je ne sais pas pourquoi, j'écris plein de trucs plus difficiles que le reste. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais du coup, il y a le dernier morceau où il y a un peu plus de développement. Un, deux... Ouais, déjà là. D'accord, tu comptes les deux d'avant. Oui. Après, voilà, soit donc je trouve une première mélodie qui sonne pour moi comme un couplet ou un refrain, et puis après j'essaie de trouver une deuxième partie, éventuellement une troisième, si ça se passe bien. Et puis après, ben moi, en général, je ne suis pas bonne pour... voilà, c'est exactement ça. Je ne suis pas bonne pour élaborer une structure. Je ne suis pas bonne dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est... une chanson, elle sera bien comme ça, je vais prendre cet élément-là, je vais le mettre ici, machin. Donc à ce moment-là, moi, quand j'ai fini ça, que je trouve que c'est bien, qu'il y a tous les éléments, je le donne à quelqu'un d'autre. Je donne à quelqu'un qui est un peu plus arrangeur que moi. C'est comme quand tu as un gâteau, tu as de la farine, des œufs, du chocolat, du sucre. Bon, moi, je donne les ingrédients et après, je demande aux autres d'oser et de les répartir. Ouais, c'est ce morceau-là. Oui, d'accord. Je ne demande pas à Marine quelle image, quelle intention elle a voulu mettre. En plus, les morceaux étant enregistrés, j'ai le sentiment de connaître ce qu'elle a voulu y mettre. Et du coup, l'idée, c'est quand même de me faire mon image à moi pour pouvoir écrire. Et ouais, j'ai besoin de créer le climat. Qu'est-ce que je veux sur ce morceau-là ? C'est pas complètement au service. C'est pour ça, je pense, même dans l'arrangement, il y a quand même un boulot vraiment de composition. Parce qu'il faut s'imprégner vraiment du truc et de s'en faire un peu sien, quoi. Je pense, pour aller vers quelque chose de pertinent, à mon sens. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est des éponges, et surtout les chanteurs, on est vraiment des éponges avec nos cordes vocales. Donc c'est vrai que c'est compliqué et je pense qu'il y a vraiment deux temps. Il y a un temps pour se renourrir, mais qui n'est pas celui de la compo pour moi. Il y a un temps pour se nourrir, il est nécessaire. Et il y a un moment, il faut fermer les vannes et se recentrer, quoi. C'est vraiment quoi, le système de manger, digérer. Je pense que quand tu manges, ben voilà, tu te nourris, puis après, il faut arrêter de manger pour digérer. Et après, ça ressort de l'autre côté, bon, bref. Et c'est ça, hein, le processus créatif, il est tellement similaire. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de manger. c'est hyper difficile. Moi, on peut en parler des heures avec plein de gens qui écrivent de la musique. C'est qu'à un moment, c'est compliqué de... est-ce que on se désapproprie, est-ce qu'on se... la compo, quoi, le truc. Et en même temps, ça faut pas être dictatorial, il faut laisser les gens... Voilà. Donc moi, à un moment, soit c'est le temps qui dit, bon, bah, c'est bon, on a assez essayé, maintenant il faut trancher. Et donc, je tranche. Soit on a essayé l'idée, en fait, non, ça marche pas. Et puis des fois, ça marche et il faut garder. Souvent, c'est l'échéance, quoi. Bon, bah, allez, c'est bon. C'est lundi, ça suffit, on a assez essayé. Ouais, je crois que je la laisse m'échapper quand même, j'ai l'impression. Et que il y a des moments où j'ai besoin de la récupérer, où je dis, ah là non, ça va pas. Enfin, là, j'ai besoin de récupérer vraiment le lead. Ça alterne, je pense, dans des moments où je lâche complètement prise et je laisse ma musique aux interprètes. Il y a des moments où je dis non, là je pense que vraiment pour le bien de la musique, il faut que ça on le change. Donc pour l'instant, c'est un petit peu des deux. À un moment, c'est vrai que c'est quand même vachement chamanique, quoi, cette histoire.